طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم طيب donc aujourd'hui on est au darf numéro 15 dans le شرح العقيدة الواسطية شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية et donc avec le شرح de صالح الفوزان شيخ صالح الفوزان. Et aujourd'hui, on est arrivé au chapitre où le cheikh explique Isbatu istiwa illah ala arshi, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc le cheikh, il commence par cheikh al-Islam ibn Taymiyyah commence par mentionner les preuves de cet attribut-là dans Al-Qur'an. Donc il dit wa qawluhu ar-Rahmanu ala al-arshi istawa في سبع مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc il commence, le cheikh a mentionné le premier verset qui est dans سورة طه. Et c'est le verset qui dit Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa. C'est-à-dire Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est élevé au-dessus de son trône. Et le cheikh, il mentionne que cet attribut-là est mentionné dans sept versets, sept différents versets dans le Coran, et il mentionne un verset qui dit dans Surat al-A'raf, et c'est dans le verset 54 dans Surat al-A'raf. Na'am, قال, et votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, et puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Wa qala fi surat Yunus, alayhi salam, dans la surat de Yunus, alayhi salam, il dit, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin, thumma istawa 'ala al-arsh. Ça c'est dans le verset 3 dans surat Yunus, c'est-à-dire votre Seigneur et celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Ça, c'est le même verset encore. Wa qala fi surat al-Ra'd, verset dans surat al-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'ala al-'arsh. Ça, c'est le verset 2 dans al-Ra'd. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a élevé les cieux sans que, avec des piliers, que vous ne pouvez pas voir, ou bien sans aucun pilier. C'est-à-dire, il fait que les cieux se tiennent sans qu'il y ait de piliers qui les soutiennent. Hein? Et par la suite, il s'est élevé au-dessus du trône. ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. Donc, ça, c'est le premier verset qu'on a mentionné. C'est dans سورة طه, verset 5, ça dit, et le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône. Ar-Rahman s'est élevé au-delà du trône, c'est-à-dire à l'arche en arabe. Wa qala fi surat al-Furqan, thumma istawa ala l'arche ar-Rahman. Puis, il s'est élevé au-delà du trône ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ça, c'est le verset 5 dans Non, c'est le verset 59 dans Al-Furqan, Surat Al-Furqan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Alif Lam Mim, c'est-à-dire Surat Al-Sajdah, il dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Ça c'est le verset 4 dans Al-Sajdah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Wa qala fi Surat Al-Hadid, dans Surat Al-Hadid, le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala il dit هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé au-delà de son arche, de son trône. Donc, al-istiwa, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de ses attributs, de ses actions, hein, les attributs qui font partie de ses actions. Et c'est-à-dire que c'est une attribut qui est relié à sa volonté. Yarhamukallah. Il s'élève au-dessus de son trône quand il veut, hein, et comme il veut. Fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il commence par expliquer ces ayats et il dit وَقَدْ وَرَدَ إِثْبَاتُ إِسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَبْعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كُلِّهَا قَدْ وَرَدَ فِيهَا إثبات الاستواء بلفظ واحد وهو استوى على العرش فهو نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. Donc le Cheikh il dit que ça a été ramené que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a affirmé qu'il s'est élevé au-delà de son trône dans plus de 7 versets dans le Coran, et dans tous ces versets là il utilise toujours le même mot, le même terme, c'est-à-dire al-istiwa, en disant istawa ala al-arsh, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Fa huwa nassun, donc c'est un texte clair et sa signification est réelle. Et on ne peut pas lui donner une autre signification ou déformer son sens, hein, et lui donner une signification différente que cette signification-là. والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. Donc, exactement comme on disait au début, l'istiwa c'est un attribut des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses actions, comme par exemple al-kalam, ou bien al-ghadab, ou bien yani al-nuzul, ou d'autres parmi ces attributs-là, al-hub, hein, des choses comme ça, ça fait partie des attributs de ses actions, et ces attributs-là sont reliés avec sa volonté, sont reliés par sa volonté, tandis qu'il y a d'autres attributs qui sont des attributs, sifat, dhat, dhatiya, et ces attributs-là qui font partie de son être, et c'est-à-dire qu'elles sont toujours yani, là, et elles sont éternelles avec lui, dans le sens que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours un wajh, un visage, un yad, et par exemple également al-qudra, et par exemple également yani, donc tous ces attributs là, ça c'est des attributs qui font partie de son être, et les attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala font également partie de son être, excepté qu'elles sont reliées à sa volonté, il les fait quand il veut, et quand il veut pas il les fait pas, hein, et il fait, donc c'est ça la distinction, et donc ces attributs là elles correspondent à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le reste de ses attributs. Toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de gloire, des attributs de puissance, des attributs de perfection, hein, et il n'y a aucune imperfection dans aucune des attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. Il dit, وله في لغة العرب أربعة معان وهي على وارتفع وصعد واستقر. C'est-à-dire, dans la langue arabe, chez les arabes, quand on dit la langue arabe, on parle des arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas la langue aujourd'hui telle qu'elle est parlée, la langue arabe. Parce que la langue arabe aujourd'hui, elle a changé. Elle est plus comme elle était à l'époque. C'est pour ça que lorsque on dit fi lughat al-arab, on parle de la langue de ces arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant cette époque-là, hein, avant que les musulmans commencent à traduire les livres grecs, hein, et commencent à traduire les livres de philosophie et que les significations des mots arabes commencent à prendre une autre signification différente, etc. Donc, dans la langue arabe, si on retourne dans les références et dans les livres écrits par les ulama de la langue, on voit que ce mot-là a environ quatre significations. Le premier c'est « ala », c'est-à-dire « s'élever », « wartafa'a », c'est également dans la même signification aussi, se soulever ou monter. Sa'uda, également dans le même sens, hein, de monter encore une fois. Wastaqarra, c'est-à-dire de s'établir. وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآية الكريمة. Donc si tu regardes dans les explications des ulama parmi les salaf, tu trouves que les significations et les définitions qu'ils donnent tournent toujours autour de ces quatre significations-là. D'accord? Comme par exemple Imam al-Bukhari, il mentionne dans son livre Kitab al-Tawhid, dans Sahih al-Bukhari, le chapitre « ثم استوى وكان عرشه على الماء » il mentionne les définitions ou les explications données par Abu al-Aliya et par Ibn Abbas et par Mujahid. Et Mujahid c'est un des plus grands élèves de Ibn Abbas et un des plus savants dans le tafsir. Et ils ont tous donné cette signification-là. Quand on a demandé « Ar-Rahman al-Arsh istawa » qu'est-ce que ça signifie, ils ont dit « ma'nahu ala wartafa'a » c'est-à-dire il s'est élevé et il est monté au-dessus de l'Arsh. Donc le cheikh il dit par la suite فقوله في الآية الأولى والثانية إن ربكم أي هو خالقكم ومربيكم بنعمه الذي والذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده. C'est-à-dire dans les deux versets, les deux premiers qu'on a lus, on voit que Allah dit que il commence en disant votre Seigneur, certes votre Seigneur. Ça veut dire que Rabboukoum. Et Rabboukoum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire votre créateur, celui qui vous crée, qui vous transforme, qui vous forme, etc., qui vous donne toutes ces ni'am, c'est-à-dire ces grâces et tout ça, et bien c'est lui qui, c'est obligatoire pour vous de l'adorer celui-là, puisque c'est lui seul Rabb, c'est lui seul le créateur. Donc si vous savez que c'est lui seul le créateur, puis vous allez adorer autre que lui, donc c'est comme si vous vous êtes contredit. On tombe dans une contradiction, et c'est ça exactement la contradiction des mushrikins. Ceux qui disent oui, c'est vrai, Allah c'est le créateur, puis qui par la suite partent pour aller invoquer ou adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils tombent dans le shirk. Ensuite, le Cheikh dit الذي خلق السماوات والأرض أي خلق وهو أي هو خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? في ستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. Donc ces six jours-là, c'est l'Ahad, l'Ithnain, l'Athnain. En arabe, on ne dit pas les jours comme on le dit en français. En français, en anglais, et dans la plupart des langues européennes, on utilise les noms des étoiles, des planètes ou des constellations pour différencier entre les jours. Parce que les Grecs et les Romains attribuaient à ces étoiles-là, c'est-à-dire pour eux, c'était des noms de divinités, c'était des idoles, c'était des dieux qu'ils adoraient, les étoiles. Donc pour eux, chaque jour de la semaine était dévoué à ou dédié à une idole ou à une étoile ou à une constellation, hein, une planète, et ils l'adoraient, ils croyaient que c'était une divinité. Donc on voit que, par exemple, Sunday, en anglais on dit Sunday, c'est le jour du soleil, hein. Monday, le jour de la lune. Donc chaque jour, ils ont donné à chaque jour un astre dans le ciel qu'ils adoraient, et c'est à cause qu'ils les prenaient pour des divinités, c'est-à-dire ils les prenaient pour des dieux. Pour les musulmans, les jours sont distingués par des chiffres ou par un ordre, c'est-à-dire on dit le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour 6, puis on dit Al-Jumu'ah, et Al-Jumu'ah c'est le jour où on se réunit. C'est pour ça qu'on l'appelle Jumu'ah, pas contrairement à qu'est-ce que les kuffars, dans leur culture, dans leur tradition, dans leur religion, ça remonte à leur origine païenne. Tous les noms de la semaine, ça remonte à leur origine païenne dans leur époque de shirk. Donc le chef il explique donc que Allah il a créé les jours en la semaine, il a créé le monde en 6 jours et il dit que c'est le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, le jour de Jumu'ah, c'est le jour où toute la création a été réunie et il a créé Adam ce jour-là. Adam a été créé ce jour-là, Yom al-Jumu'ah. ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله c'est-à-dire il s'est élevé et il est monté au-dessus de son trône comme cela convient à sa majesté d'accord وهذا محل الشاهد من الآية ok يعني certaines personnes ils s'imaginent que si on affirme pour Allah سبحانه وتعالى الاستواء على العرش ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du arche. Et ça, c'est faux, yani. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui supporte l'arche. C'est pas l'arche qui le supporte. Allah subhanahu wa ta'ala, il supporte toute sa création. Et quand on dit qu'il est monté au-dessus de son trône, eh ben, c'est sans faire de comparaison avec, rien de ses créatures. C'est-à-dire, istiwa Allah, yani, il n'y a pas de ressemblance dans l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'istiwa de ses créatures. Okay, il ne faut donc pas faire aucune forme de tashbih. Mais en même temps, il ne faut pas nier la réalité de l'attribut qu'Allah s'est donné à lui-même. Il faut croire en cet attribut-là tel qu'il se l'est donné lui-même. Et on va voir à ce sujet-là beaucoup d'exemples. Le Cheikh dit « وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنَ الْآيَةِ وَالْعَرْشُ فِي اللُّغَةِ هُوَ سَرِيرُ الْمُلْكِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ النُّصُوصِ سَرِيرُ ذُو قَوَائِمٍ تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات donc le cheikh il dit que l'arche dans la langue arabe c'est quoi c'est l'endroit où le roi se place yani, comme un trône comme on sait en français le trône et qu'est-ce qu'on veut dire ici yani, qu'est-ce qu'il voulait dire ici dans tous les textes qu'on a compris c'est un trône ou yani, que les anges portent. Donc les anges, c'est eux qui portent le trône, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran. Wa humilati al-ardu wal c'est quoi l'aïe dans sourate barakallahu fik dans sourate al-haqqa sourate al-haqqa non yahmilu arsha rabbika wa qahum yawmidin thamaniya et dans également dans sourate ghafir Surat Ghafir, c'est quoi l'ayah? L'ayah qui dit الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا Donc, ça veut dire qu'il y a des anges qui sont au nombre de 8 et qui yani, supportent l'arche. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus de l'arche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'arche qui le supporte. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de l'arche et il n'y a pas de ressemblance entre l'istiwa d'Allah et l'istiwa des créatures. Donc, le chef il dit que cette arche et ce trône est transporté par les anges et il est d'une forme de dôme qui enveloppe les créatures, qui enveloppe le monde, d'accord? Et c'est comme le toit de la création, c'est comme un toit qui enveloppe toute la création. Et Allah dit dans le Coran, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Son coursier, il enveloppe les cieux et la terre, il est plus large que les cieux et la terre. D'accord? Donc, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ أي رَفَعَهَا عَنِ الْأَرْضِ رَفْعًا بَعِيدًا لَا يَنَالُ أو لَا يُنَالُ وَلَا يُدْرَكُ مَدَاهُ Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a yani, élevé les cieux. Il a élevé yani, du ciel. Et on ne peut même pas savoir exactement la distance ou la grandeur de ce ciel-là, yani, tellement il est élevé. Et après, il dit بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْعَمْدِ وَالْعُمُدِ هِيَ الْأَسَاطِينَ بِجَمْعِ عِمَادِ donc le cheikh il dit que بغير عمد والعمد هي الأساطين donc العمد c'est les piliers ou les colonnes qui soutiennent quelque chose et يعني le pluriel de c'est le pluriel de imad, imad. Non, imad c'est le pluriel et amad c'est le singulier en arabe. Et le cheikh dit ay qa'imatun bi ghayri amadin ta'tamidu 'alayha bal bi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Donc le ciel, il se tient sans aucune colonne qui le supporte, et c'est juste par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa puissance que ce ciel-là il se tient. Ensuite le cheikh dit tarawnaha ta'kidun li nafyi al-'amad, c'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas de pilier que vous pouvez voir ou de colonne que vous pouvez voir. Alors, le cheikh dit que ça c'est pour confirmer qu'il n'y a pas de pilier, que c'est une négation qu'il y ait des piliers. Wa qila laha 'amad walakin la naraha wal awwal asah. Et d'autres parmi les ulama ont dit que il y en a des piliers sauf qu'on ne peut pas les voir, et le cheikh il dit que la première explication est plus correcte, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout et que c'est juste par la puissance d'Allah qu'il se tient le ciel. Donc ça c'est l'opinion du cheikh et sa position. Ensuite il dit « ثم استوى على العرش هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء. » Donc ensuite dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « puis il s'est élevé, استوى على العرش. » Et voilà le point que le cheikh a voulu mentionner comme preuve dans cette ayah pour établir l'attribution de l'istiwa pour Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une de ses attributs. وَالْكَلَامُ عَلَى بَقِيَةِ الْآيَاتِ كَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ. C'est-à-dire le reste des autres versets que le cheikh a mentionnés parmi les sept, c'est la même chose qu'est-ce qu'on a dit sur ces versets-là, présentement, ils se répètent. Et donc, c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cette chose-là sept fois à différents endroits dans le Coran. D'accord? Donc, c'est pour confirmer que cette chose-là est affirmée à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il y a des gens qui ont dévié à ce sujet-là. Qui ont dévié à ce sujet-là. Et ces groupes-là, on va les expliquer qui ils sont, dans pas grand temps, inshallah. Le cheikh dit ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر وفسر العرش بأنه الملك فقال استوى على العرش بمعنى استولى على الملك وقهر غيره وهذا باطل من وجوه كثيرة. Donc le cheikh dit que d'après ce qu'on a compris maintenant, on peut établir que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait affirmer qu'il est au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient ou qui convient à sa majesté. Et il y a dans ce verset-là une réfutation de celui qui essaie d'interpréter al-istiwa comme signifiant al-istila ou al-qahar. Il y en a parmi des gens de Bida qui ont interprété al-istiwa. Au lieu de dire que ça veut dire s'élever ou monter au-dessus de quelque chose, ils ont interprété ça comme signifiant le fait de conquérir ou d'avoir le pouvoir sur le trône. Et d'autres personnes également ont interprété Al-Arsh comme étant le royaume et non pas un trône réel. Donc ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit que istawa ala al-arsh, pour eux ça, ils disent que ça signifie qu'il a conquis son royaume. Il a conquis son royaume, ou il a pris le pouvoir sur son royaume. Et le cheikh dit que cette explication-là, ou cette interprétation-là, est fausse de plusieurs points de vue. Parmi ces points de vue-là, le cheikh il en mentionne quatre. Il dit, أولاً أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأول من قال به الجهمية والمعتزلة فهو مردود. Donc le cheikh il dit que premièrement cette explication là elle est contraire au tafsir des salaf parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et le premier qui a dit, qui a interprété les choses, les premiers parmi les gens de Bid'a qui ont interprété cet attribut-là de cette façon-là, ce sont qui? Ce sont Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Donc, c'est quelque chose qui est réfuté, c'est rejeté, du fait que ces gens-là ont dit qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Deuxièmement, ثانياً, لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. الشيخ فيكم دوزيما في الاستواء على العرش ستي الاستيلاء على الملك في de s'élever au-delà du trône ça signifiait de prendre le contrôle du royaume. Eh bien, il n'y aurait aucune différence entre l'arche et les cieux et la terre et les bêtes et toutes les créatures, parce qu'il a également le pouvoir sur toutes les créatures. Donc, où est la distinction, où est la particularité, walaykum salam wa rahmatullah, où se tient la particularité du trône par rapport aux autres créatures, yani. Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, mais il a le pouvoir sur toutes les créatures. Donc, comment on pourrait dire une chose pareille ? Après le Cheikh il dit, ثالثاً أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. وهذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي بلفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. Cette partie-là, j'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce que Fahimta? Non. أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يؤتى أو يأتي في لفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. Yani, d'après ce que j'ai compris, qu'est-ce que le shaykh il veut dire? Il veut dire que le terme istawa ala l'arche, il est mentionné plusieurs fois dans le Coran et dans la Sunna, et il n'est pas venu une seule fois avec l'explication, par exemple, istawla ala l'arche. Donc, alors, on peut pas l'interpréter les autres textes de cette façon-là, parce qu'ils sont tous venus de la même façon. استوى على العرش. Ça c'est ce que j'ai compris. Et après le cheikh il dit ثم رابعا أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة. Ensuite Allah سبحانه وتعالى quand il dit استوى على العرش, il dit هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Après il dit ثم استوى على العرش. Et ثم qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme quand on dit en français, et ensuite. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre et il y a une pause. C'est comme s'il y a une étape et une autre. Donc ça veut dire, لو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد الخلق أو إلى ما بعد خلق السماوات والأرض. فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيحين، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ وهذا من أبطل الباطل والله أعلم. الشيخ الذكر الله سبحانه وتعالى إلى دي ثم صدق في أسويت إلى تتبلي أدلاء سنتخون. Donc si la signification de الاستواء c'était de conquérir ou bien d'avoir le pouvoir sur le trône, pourquoi ça a tardé? C'est-à-dire pourquoi il n'avait pas le contrôle du trône avant ce moment-là, avant d'avoir créé les cieux et la terre, hein, parce que Allah dit il a créé les cieux et la terre en six jours, puis ensuite il a pris le contrôle du trône. Ça fait pas de sens. Pourquoi il n'avait pas le contrôle avant ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala avait créé le trône 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre? Donc ça voudrait dire que pendant 50 000 ans il n'avait pas le contrôle du trône, puis ensuite il l'a pris. Et ça c'est une contradiction. Hein. Et également, si tu dis ça, ça veut dire quelqu'un d'autre que lui, ça implique que quelqu'un d'autre que lui avait le pouvoir sur le trône avant lui, et ça c'est faux, hein, qui peut compétitionner avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, et il termine à ce point-là. Puis j'aimerais mentionner également les exemples des salafs, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. Vous avez tous entendu Al-Athar qui est rapporté selon l'imam Malik, quand on lui a demandé la question, Yali, non, c'est ça. Donc, cet Athar, elle est mentionnée dans plus de, elle a été rapportée par plus que 10 parmi les imams dans le Sunna, et donc il y a plusieurs narrations de cette histoire. Il y en a environ une dizaine de narrations de cette histoire-là. Elle est rapportée selon Salama, hein, donc elle a été rapportée selon Salama, sauf qu'elle n'est pas authentique pour Salama, parce que Salama c'est la femme, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une des narrations qui lui est attribuée, sauf qu'elle n'est pas authentique. Il y a une autre narration qui est attribuée à, au cheikh de l'imam Malik, c'est-à-dire Rabi'a, et celle-là elle est authentique. Hein, donc le cheikh de l'imam Malik aurait dit la même chose, et l'imam Malik lui-même il a mentionné cette, cette parole-là, et ça s'est rapporté dans 10 différentes narrations au sujet de l'imam Malik. Et la narration qui est authentique et qui est rapportée au sujet de l'imam Malik, c'est une des narrations, la première qui est mentionnée par le cheikh Abdurrazzaq dans son livre qu'il a écrit à ce sujet-là, au sujet de l'affaire de l'imam Malik. C'est la riwaya de Ja'far ibn Abdillah. Il dit Kunna, qala kunna 'inda Malik ibn Anas faja'ahu rajul faqala faqala ya Aba Abdillah, c'est-à-dire l'imam Malik, sa kunya c'est Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah, ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, kayfa istawa? Le tout miséricordieux s'est élevé au de au-dessus de son trône, hein. C'est-à-dire nous étions avec l'imam Malik et Malik ibn Anas, et un homme est venu voir l'imam Malik et il lui a dit, ya Aba Abdillah, oh toi fils de Abdillah, c'est-à-dire Abu Abdillah, Ar-Rahman ala arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône. Comment il s'est élevé, hein? Kayf istawa? C'est ça sa question. La question c'était Keifa. Hein? Keifa stawa. Hein? Donc, le cheikh dit Fama wajada Malik min shay'in ma wajada min mas'alatihi. Fanavara ila al-ard wa ja'ala yankutu bi'udin fi yadihi hatta alahu al-rahda, ya'ni al-araq. Thumma rafa'a ra'sahu wa rama bil-ud wa qala al-kayfu minhu ghair ma'qul. والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأمر به فأخرجه. Donc ça c'est une des narrations de l'imam Malik à ce sujet-là, et il est rapporté par l'imam Abu Ismail al-Sabouni dans son livre Aqidat al-Salaf, et par d'autres parmi les imams également. Et donc le cheikh dit qu'est-ce qui est arrivé par la suite, quand l'homme a posé cette question-là, qu'est-ce qui est arrivé? Donc l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé cette question-là vraiment, il n'a pas aimé cette question du tout. Et il a commencé à regarder le sol, et il avait un morceau de bois dans sa main, alors il a commencé à gratter le sol comme ça avec son bâton, puis il a commencé à voir des sueurs sur son front, il commence à être vraiment en colère à ce sujet, au sujet de cette question-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que c'est une question vraiment grave de poser des questions comme ça à propos d'Allah, de demander comment, hein. Donc, il a commencé à transpirer. Et il est devenu rouge. Et il a levé sa tête et puis il a jeté son bâton. Et puis il a dit Al-Kayf, on ne peut pas le comprendre. Et Al-Istiwa, il n'est pas inconnu. Et d'y croire, c'est obligatoire, et de poser la question à ce sujet-là, c'est une bid'ah. Et il a ordonné qu'on l'expulse et qu'on le fasse sortir. Ok? Ça, c'est une des athars les plus célèbres parmi les athars des salafs au sujet de cette question-là. Et ça montre la voie de, ou la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de l'istiwa. C'est-à-dire que, al-kayf, on ne pose pas la question. On n'a pas de demander comment. Et, on peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que Allah ne nous l'a pas dit comment. D'accord? Et al-istiwa, ghair majhoul. C'est-à-dire, dans la langue arabe, c'est connu ce mot-là. Les Arabes, ils l'utilisaient, et ils l'utilisent encore, et ils savaient sa signification. Donc, c'était pas quelque chose que ces gens-là ignoraient. Et d'y croire, c'est obligatoire, puisque c'est dans le Coran, et c'est dans la Sunna. Et de poser la question au sujet du kayf, comment, n'importe quel attribut, pas seulement l'istiwa, n'importe quel des attributs d'Allah, si tu poses la question à ce sujet-là, c'est une bid'ah. T'as pas le droit de poser la question. T'as pas le droit de demander comment est la main d'Allah, comment est Allah, comment sont ses yeux, comment est al-istiwa, comment est al-nuzul. Toutes ces questions-là, c'est bid'ah. Celui qui les pose, il a contredit la sunna. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de cet athar. Ok? Et la plupart des narrations sont autour de cette formulation-là. Et le cheikh, il a mentionné les 10 différentes narrations. Et elles sont toutes autour de cette signification-là, c'est-à-dire al-kayf minhu ghair ma'qul, wal-istiwa minhu ghair majhul, wal-iman bihi wajib, wal-su'al anhu bid'ah. Et souvent, vous allez trouver dans les livres la, que les ulama disent al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhul, wal-su'al bihi wajib, wal-iman bihi wajib, wal-su'al anhu bid'ah. Et ça, c'est, disons, une explication de cet athar. Ça a le même sens, au lieu de dire « غير مجهول » on dit « معلوم ». C'est la même chose, si tu dis « quelque chose n'est pas inconnu », c'est la même chose que si tu dis « il est connu ». Il n'est pas inconnu, c'est la même chose que si tu dis qu'il est connu, ou on le connaît. Ou « غير معقول » si tu dis « مجهول », « الكيف مجهول » ou bien tu dis « الكيف غير معقول », c'est la même signification. Donc il y en a qui ont critiqué les ulama d'avoir mentionné ça de cette façon-là et de ne pas l'avoir cité la façon qu'il est rapporté dans les narrations, mais yani, la signification est la même, donc il n'y a pas de problème de le mentionner d'une autre façon tant que la, tant qu'on ne change pas le sens de qu'est-ce que ça signifie cet athar. Maintenant, je vais mentionner yani, d'autres explications qui sont apportées dans les notes que ou l'étude que le Cheikh Hamad ibn Abdel Mohsen al-Touajri a mentionné dans l'introduction de son étude sur le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra. Dans ce livre-là, à l'introduction, il mentionne une introduction vraiment intéressante qui résume les points les plus importants à ce sujet-là, et on va en lire quelques parties pour essayer de comprendre un peu mieux toute cette histoire et tout ce qui se passe à ce sujet-là. Le cheikh dit, نعم, ومن المسائل التي نسوقها أو ناقشها المؤلف في صفحات هذا الكتاب الاستواء على عرشه وإن كان هذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة العلو بل إن الاستواء دليل من أدلة العلو من أدلة علو الله على خلقه وهناك تشابه بين المسألتين إلى حد كبير. الشيخ ابن تيمية يقول que le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a mentionné dans ce livre-là, Al-Fatawa al-Hamawi al-Kubra, la question de Al-Istiwa, et que c'est relié avec la question de Al-Ulu, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de Al-Ulu, qu'il est élevé, qu'il est le haut, le très haut. Donc, c'est relié, et ça, même que Al-Istiwa, ça fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc le cheikh il commence, il dit « معنى الاستواء في لغة العرب » أصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. C'est le verset 28 dans Sourate al-Mu'minun. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. Ça c'est un autre verset qui est mentionné dans Surat al-Mu'minun, le verset 28, c'est-à-dire lorsque toi ainsi que ceux qui sont avec toi seront montés dans le al-Fulk, dans le bateau, sur le bateau. Donc ça veut dire que ça démontre la signification de ce mot-là en arabe, istawaita, hein, c'est-à-dire monter sur sur le bateau. Et le cheikh il mentionne une autre preuve en mentionnant un vers de poésie. Ensuite, il dit fal mutlaq, hein, ذكر ابن القيم ان الاستواء في لغه العرب نوعان مطلق ومقيد. Dans la langue arabe, l'utilisation du mot istiwa, il est de deux façons. La façon qui est absolue et la façon qui est limitée. La façon qui est absolue, c'est-à-dire quand il est mentionné tout seul, et quand il est muqayyad, c'est-à-dire quand il est mentionné avec, soit avec ila, devant, ou soit avec ala, ou soit mentionné avec al-waw. Et on va voir dans chaque signification, c'est quoi sa signification. Parce que parmi les shubuhat des gens de Béda, que ce soit les Asha'ira ou les Maturidiya ou bien les Ahbash, tous ces gens-là, quand on leur parle de l'istiwa, une de leurs shubuhat, c'est de dire on ne connaît pas la signification du mot istiwa. Et que ça peut avoir plus que 15 différentes significations, donc comme on ne peut pas savoir laquelle est la bonne. Et ça, c'est de l'ignorance de leur part, parce que de dire qu'on ne peut pas savoir la signification d'un mot à cause qu'il y a plusieurs significations, ça c'est comme si on essaie de prétendre que la langue arabe c'est une langue qui, le Coran n'est pas descendu dans une langue qui est compréhensible pour que les gens puissent le comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de son livre qu'il est un bilisan arabi mubin, qu'il est en langue arabe claire, hein, et il l'a détaillé et clarifié, kitabun, hein, fussilat ayatu, ces versets ont été clarifiés, et donc il nous a en même temps incité à méditer sur le sens de son livre en disant afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne vont-ils pas méditer sur le sens de ce Coran. Donc il faut que les gens qui le lisent le comprennent, et donc ce mot-là il est connu, et même s'il a plusieurs significations, et ben selon le contexte on peut savoir qu'est-ce qu'il signifie. Et c'est ça ce qu'on va voir ici. Le cheikh il dit fal mutlaq ma lam yusil يوصل بمعنى بحرف ما لم يوصل معناه بحرف مثل فلما بلغ أشده واستوى. Quand on mentionne le verbe de façon absolue, c'est-à-dire qu'on le relie pas à aucune autre lettre, hein, ni le ila, ni ala, ni le waw, et bien dans ce cas-là, ça veut dire kamula wa tamma dans la langue arabe. Kamula wa tamma, et il donne le verset dans Surat al-Qasas, le verset 14. Allah il dit ولما بلغ أشده واستوى, et lorsqu'il a atteint sa force, hein, son niveau, le moment où il était le plus fort, et qu'il a été complété et parfait, hein, donc c'est ça la signification, كَمُلَا وَتَمَّ, il a été parfait et il a été complété. Ça c'est quand il est mentionné tout seul sans aucun autre article devant. Ensuite le cheikh il dit أما المقيد فثلاثة أضراب أو ثلاثة أضراب. Il y a trois significations ou trois catégories quand il est mentionné de façon avec une lettre ou avec un article au devant. Par exemple المقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. Quand on mentionne le mot istawa avec l'article ila, avec ila, avec al-harf ila, ça veut dire, comme par exemple dans le verset de Surat al-Baqarah, le verset 29, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ, puis il s'est élevé au-dessus des cieux, et dans Surat al-Baqarah, l'autre exemple qu'il donne, istawa fulanun ila soth, un tel, il s'est élevé, monté sur le toit, ou bien sur la chambre, ou sur la maison. Donc, dans cette signification-là, ça veut dire de s'élever et de monter au-dessus d'une chose. Et ça, c'est selon le consensus des salafs. Le consensus des salafs, ils sont tous d'accord que ça veut dire ça, quand on l'utilise avec ila. D'accord? Maintenant, le cheikh dit wa muqayyad bi ala, ka qawlihi ta'ala li tastawu ala zuhurihi. Wa qawluhu wa stawat ala al-judi. هذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. Donc ici il mentionne le verset 13 dans sourate Az-Zukhruf qui dit لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وصفة الدعاء كأمات sur une monture ou bien sur une voiture ou sur un animal, pour avant de partir, on mentionne ce dua-là, et Allah dit dans ce verset-là, pour que vous puissiez monter sur son dos, et que vous puissiez mentionner les grâces de votre Seigneur, et que vous disiez ce dua, subhanallah, gloire à celui qui nous a assujettis cette chose, cette monture ou cette voiture, ou peu importe. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Et sans lui, on n'aurait pas pu avoir justement le contrôle sur ces choses-là. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Et notre retour, c'est vers notre Seigneur. Donc ça veut dire que, il y a clairement la signification de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose. Également, il y a l'autre verset qu'il a mentionné, qui est dans Surat Hud, le verset 44, qui dit وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. En parlant de l'arche de Noé, Safinat Nuh, quand l'eau a commencé à descendre, eh ben le bateau s'est reposé sur, ou s'est arrêté sur la montagne qu'on appelle Al-Judi. Donc, Allah a utilisé le verbe stawat al-Judi, c'est-à-dire elle s'est mis au-dessus de Al-Judi. Le bateau s'est mis au-dessus de cet endroit-là. Et ça, donc, comme on a dit, selon le consensus des savants de la langue arabe, ça veut dire, dans ce sens-là, quand on l'utilise avec ala, ça veut dire de monter et de s'élever au-dessus de quelque chose, et d'être égal à quelque chose, d'arriver à égalité avec quelque chose, wal i'tidal. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit wal maqrun bi waw ma allati ta'adda al-fi'l ila al-maf'ul ma'ahu. نحو استوى الماء والخشب بمعنى سواها. Donc il donne un exemple, quand on l'utilise avec le waw, comme quand on dit en arabe استوى الماء والخشب, c'est-à-dire le bois et l'eau sont arrivés à égalité. Ça c'est une signification du mot استوى quand on l'utilise avec le waw. OK, استوى الماء والخشب. Donc ça c'est les significations du mot istawa dans la langue arabe, et c'est la langue dans laquelle le Coran a été descendu. Coran arabiyan, ghayra zi iwajin. C'est un Coran en langue arabe, c'est pas un Coran en langue chinoise ou en langue grecque. Et donc on le comprend dans la langue des arabes. Et donc les mots qui sont mentionnés dans le Coran, c'est des mots clairs que les arabes connaissaient. Ensuite, le cheikh il explique au sujet de la shubha des Asha'ira parmi les gens de Bida, qui ont mentionné que ça voulait dire al-istila, que istawa ça veut dire selon eux istawla, c'est-à-dire ça veut pas dire de monter au-dessus de quelque chose, mais ça veut dire de prendre le pouvoir de quelque chose. Donc le cheikh il explique, il dit سبق الكلام على أن جمهور الأشاعرة أول الاستواء الوارد في النصوص بالاستيلاء وقد رد عليهم الأئمة في ذلك بوجوه متعددة أهمها أولا أن اللغة لا تساعدهم على هذا التأويل فالاستواء في اللغة العربية يراد به العلو والارتفاع وسبق بيان ذلك وهذا هو المأثور عن أئمة اللغة. Donc le cheikh il dit que on a déjà expliqué que les Asha'ira ils ont essayé de déformer le sens du mot istiwa pour dire que ça voulait dire istawla, c'est-à-dire ça ne veut pas dire monter, mais ça veut dire conquérir ou bien prendre le pouvoir du trône. Et les ulama, parmi les imams, ont réfuté cette idée-là de plusieurs points de vue. Premièrement, La langue arabe ne peut pas supporter cette fausse interprétation-là, ou cette déformation-là du sens, parce que dans la langue arabe, istiwa, ça veut dire s'élever et monter au-dessus d'une chose. Et on a déjà mentionné ça, mais également ça a été rapporté de la part des imams de la langue arabe. Et le cheikh dit, Zakara ibn Abdulbar, Ali al-Khalil ibn Ahmad, Ibn Abdulbar c'est un des grands imams parmi les imams de Al-Malikiyya, de Walaikum Salaam, Rahmatullahi wa Barakatuh, de l'Andalousie, Ibn Abdulbar. Et il a mentionné selon Al-Khalil ibn Ahmad, annahu qal, أتيت أبا ربيع الأعرابي وكان من أعلم من رأيته فإذا هو على السطح فسلمنا فرد علينا قال لنا استووا فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال قال فقال لنا أعرابي فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أكرمكم أن ترتفعوا قال الخليل أين قال الخليل هو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فصعدنا إليه واستدل ابن عبد البر على أن الاستواء هو الاستقرار في العلو بقول الشاعر فأوردتهم ما بفيفة قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. Donc, c'est une histoire que le cheikh a mentionné selon Ibn Abdulbar, selon Khalil Ibn Ahmed, qui dit, nous sommes allés voir Rabi'atul Arabi, et lui c'était un parmi les grands ulama, et parmi les plus savants qu'il connaissait. Il dit, j'ai pas vu quelqu'un de plus savant que lui. Et il était sur le toit. Alors il nous a donné un salam, on lui a donné un salam et il nous a répondu. On a dit salam alaykoum, il nous a répondu alaykoum salam. Alors il a dit après, il nous a dit istaou, istaou. Donc c'est-à-dire, il dit nous on est resté comme ça confus, on savait pas qu'est-ce qu'il disait. Et il y a un bédouin qui était à côté qui leur a dit, il vous dit de monter et de monter, de monter pour aller le retrouver. Donc Al-Khalil, il a dit, et ça c'est comme la parole d'Allah dans le Coran, quand il dit « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ » puis il s'est élevé au-dessus des cieux. Et on est donc monté sur le toit pour le rejoindre. Donc ça montre qu'il y a une preuve là-dedans. Que la signification dans la langue arabe, c'est Al-Ulu wa al-Irtifa wa al-Su'ud, et c'est pas le fait de dire que c'est de conquérir. Ensuite, il a mentionné une poésie ou un vers de poésie que Ibn Abdulbar a mentionné pour montrer que Al-Ulu, c'est-à-dire de s'élever et de s'établir dans une position de hauteur. Et yani, moi, la poésie, je suis pas fort là-dedans, malheureusement. Donc je vais sauter. Et puis le cheikh dit par la suite, وقال هذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولي. Donc dans le poème il y a la mention que une étoile s'est élevée, une étoile du Yémen s'est élevée, quelque chose comme ça. Et donc Ibn Abdul Bar il dit dans At-Tamhid, et il dit que on ne peut pas déformer le sens du mot istawa dans ce vers-là pour dire que ça veut dire de prendre le contrôle ou de prendre le pouvoir ou de conquérir, parce que l'étoile ne peut pas conquérir ou ne peut pas prendre le pouvoir de quoi que ce soit. Après il dit warawa al-Malakai an Abi Bakr ibn al-Nadr qala kana Abu Abdullah ibn al-A'rabi جارنا كان جارنا وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف العرب في اللغة استوى بمعنى استولى قال لا أعرف. Ça c'est rapporté selon que l'imam Al-Lalakai, l'imam Al-Lalakai c'est lui qui a écrit le livre Sharh Usul Itiqad Ahl Sunnah wal Jama'ah, et c'est un recueil dans lequel l'imam, dans lequel il a ramené les paroles des salafs au sujet de l'aqida et des fondements de Ahl Sunnah. Et donc, parmi les choses qu'il a mentionnées dans ce livre-là, il dit que Abu Bakr ibn Nadr, il a demandé à Abu Abdullah ibn al-A'rabi, un des grands savants de la langue arabe, qui était son voisin, il a dit que oui, que l'Arabi, ce savant-là, a dit que Ibn Abi Du'ad lui a demandé, est-ce que les Arabes, dans la langue arabe, ils connaissent le mot istawa comme si ça signifie istawla, que ça signifie de prendre le contrôle ou de conquérir quelque chose? Il a dit non, il a dit je ne connais pas ça, l'Arif. Et Ibn Abi Du'ad, c'était qui? C'était bien, parmi les Mu'tazila, qui a torturé, qui a fait torturer l'imam Ahmed à la période des Mu'tazila avec le khilafa de Al-Ma'mun. D'accord? Donc, lui, ce Mu'tazili, essayait de trouver une référence dans la langue pour essayer de déformer le sens du mot istawa en demandant à ce savant-là, et ce savant-là l'a renié. Ensuite, il dit wa ruwiya an Ibn Abbas. عن أبي العباس ثعلب قال استوى على العرش على ثم قال هذا الذي يعرف من كلام العرب إلى ما شئني أسويت لبعض أبي العباس ثعلب qui disait puis استوى على العرش il s'est élevé au-dessus du trône, ça veut dire على, c'est-à-dire monter ou s'élever. ثم قال il a dit ensuite ça, c'est la signification que les Arabes connaissent, ok, dans la langue arabe. Et ça, c'est rapporté également dans Sharh Usul al-Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'ah par l'imam al-Lalakai. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation. Il dit qala Muhammad ibn Nadr, sami'tu ibn al-Arabi, sahib al-Lugha, yaqulu aradani ibn Du'ad an atluba lahu fi ba'd al-lughat al-Arab ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى فقلت له والله ما يكون هذا ولا وجدته انتهى كلامه. Donc ça également c'est rapporté par Mohammed ibn Nadr qui l'a entendu al-Arabi, un des savants de la langue, comme on a mentionné de lui plusieurs citations, que Ibn Du'ad, le Mu'tazili, voulait lui demander de chercher pour lui dans la langue arabe une signification pour le mot dans le verset Rahman ala al-Arsh istawa, pour l'interpréter comme voulant dire istawla, c'est-à-dire prendre le contrôle, et il lui a dit wallahi ma yakunu hadha, il dit par Allah ça n'existe pas et je ne l'ai pas trouvé. D'accord, ça c'est mentionné par Ibn Qayyim dans Ijtima du Rush al-Islamiyya et également dans Fath al-Bari par Ibn Hajar al-Asqalani. Et il dit ensuite وقال الأخفش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على يقال استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته. Ça c'est rapporté dans تهذيب اللغة للأزهري. Et c'est mentionné également par Ibn Qayyim dans اجتماع الجيوش الإسلامية. Il dit que الأخفش, un des savants de la langue, a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, ça veut dire s'élever. Et on dit monter sur le dos d'une bête ou d'un animal, ou bien monter sur le toit d'une maison, c'est-à-dire monter au-dessus. Donc, ça c'est des exemples des paroles des ulama de la langue. Et il y en a d'autres encore. قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى فقال هذا ما تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتنا. Le cheikh il a mentionné les paroles de qu'on a quelqu'un demandé à Al-Khalil, un des savants de la langue, est-ce que vous avez trouvé dans la langue arabe al-istiwa comme voulant dire istawla? Il a dit ça les Arabes ne le connaissent pas et ce n'est pas permis dans notre langue. Et قال ابن جرير الطبري والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل أي تفسير قول الله استوى على إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع. Donc ça c'est les paroles de l'imam al-Tabari dans son tafsir. Et on sait que Tabari c'est un des premiers parmi les ulama de tafsir et que son tafsir c'est un des plus anciens. Et il dit, c'est étonnant que certains ont essayé de nier la signification qui est comprise dans la langue arabe, hein, dans l'interprétation de la parole d'Allah, summa stawa ila sama, et qui ont, alors que sa signification c'est de l'élévation et le fait de s'élever et de monter au-dessus d'une chose. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit donc il renie en même temps en disant ça, il renie les gens de bid'ah comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les autres, par exemple les Asha'ira, qui ont essayé de nier la signification de ce verset-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال القرطبي الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء. انتهى كلامه. الإمام القرطبي il dit également الاستواء dans la langue arabe c'est de s'élever et de monter au-dessus d'une chose. D'accord. Et ensuite il dit, donc qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, فهؤلاء جمع من أئمة اللغة فهم اللسان ممن كلامهم في هذا الباب حجة ومرجع يذهبون إلى أن الاستواء هو الارتفاع وينكرون على من أوله بالاستيلاء. Okay. Et le cheikh il dit ça, c'est une preuve et une référence des imams de la langue qui réfutent ceux qui essaient de prétendre que ça veut dire al-istila et que ça ne veut pas dire de s'élever ou de monter au-dessus d'une chose. Et eux, ces gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de justifier leur position alors qu'ils n'ont pas de preuves? Eh bien, ils essaient de se baser sur un poème qui dit, ou un vers de poésie qui dit, قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مرهاق. Il dit, فيجاب عنه بما يلي. إن هذا البيت لم يثبت. C'est-à-dire, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ou ce vers-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bishr a conquéri l'Irak sans épée et sans faire couler de sang. Et le chef il répond à ce vers, à ce vers-là en disant أولا إن هذا البيت لم يثبت أنه شعر عربي. Premièrement, ce poème-là, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est un poème arabe. C'est-à-dire, il n'est pas, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, on ne sait pas qui l'a dit, on ne sait même pas si ça vient d'un arabe. وقد أنكره غير واحد من أئمة اللغة. Plusieurs parmi les imams de la langue arabe ont rejeté ce vers-là. وذكروا أنه بيت مصنوع لا يعرف في لغة العرب. Et donc ils ont dit que ça c'est un vers qui a été fabriqué et qui n'est pas connu chez les Arabes, dans la langue arabe. ولو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه إثبات صحته. ولو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه إثبات صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ولا من قاله. Donc le cheikh dit que si on se basait sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait fallu qu'on affirme son authenticité. Hein? Si on mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut prouver que ce hadith-là il est authentique. S'il n'est pas authentique, on ne peut pas l'accepter. Alors qu'est-ce qu'on va dire au sujet d'un poème qu'on ne sait même pas s'il est authentique et s'il est vrai? Hein? Donc c'est étonnant de voir que ces gens-là rejettent les ayats dans le Coran, ils rejettent les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, hein, et ils commencent à venir avec des vers de poésie qu'on ne sait même pas qui est-ce qui les a dit. Hein, parce que là on a seulement mentionné les versets dans le Coran qui parlent de l'istiwa, alors qu'il y a d'autres versets et d'autres choses encore qui prouvent cet aspect-là qu'on n'a pas mentionné puis qu'on mentionnera plus tard, Inch'Allah, ou bien la semaine prochaine. Donc le cheikh il dit, وَقَدْ رُوِيَا أَنَّهُ مُحَرَّفُ وَأَنَّ لَفْضُهُ هَكَذَا بِشْرٌ قَدْ اسْتَوْلَى عَلَى الْعِرَاقِ min ghayri sayfin wala damin murhaqi. Donc ça veut dire que il dit que certains ont dit qu'il est déformé ils ont déformé le sens de ce vers et que la vraie version c'était que bishr istawla et non pas istawa, hein. Et ceux qui ont voulu essayer de défendre leur bid'a, ils ont déformé le vers pour essayer de lui donner cette signification-là dans la langue arabe alors qu'il n'y a pas de référence. Et le cheikh il dit وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْبَيْتِ وَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّفٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ بِشْرًا هَذَا كَانَ أَخًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْعِرَاقِ فَاسْتَوَى عَلَى سَرِيرِهِ كَعَادَةِ الْمُلُوكِ ونوابهم يجلسون على سرير الملك مستوين عليه ولو كان المراد بالبيت الاستيلاء بالقهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك ابن مروان فإن بشرا نائبا له على العراق لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بأنه استوى عليها فلا يقال استوى أبو بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق. Donc le cheikh il donne un autre exemple, il dit que même s'il était vrai ce vers là, et même s'il n'était pas déformé, il n'y a pas de preuve dedans, parce que même Bishr, celui-là, il était le frère de Abdul Malik ibn Marwan, et Abdul Malik ibn Marwan il était le dirigeant de l'Irak. Et donc il était assis sur le trône, hein, il était réellement au-dessus du trône, sur le trône c'était lui le roi. Donc, Bishr, il était un de ses nawab, un de ses députés, disons. Et donc, c'est ça, donc il essaie de montrer qu'il n'y a pas vraiment de preuves pour lui dans ça. Et après il dit وثانيا تأويل الاستواء بالاستيلاء. En plus, même s'il était vrai, ils ont dit que ce vers-là il est attribué à Al-Ahtal. Certains ont dit qu'il est attribué à Al-Ahtal. Et Al-Ahtal, il est un chrétien. C'était un chrétien. D'accord? Donc, on ne peut pas se référer à les paroles d'un chrétien, hein, pour essayer d'établir une question qui a rapport avec l'aqida, d'accord. Et donc ça c'est, premièrement le vers il n'est pas authentique, s'il était, il n'y a pas de preuve dedans, et certains ont dit qu'il est attribué à Al-Ahtal, et Al-Ahtal c'est un chrétien. Donc toutes ces affaires-là, ça montre qu'on ne peut pas se baser sur ce truc-là pour essayer de justifier cette idée-là ou cette chose-là. Naam. Naam. Et je n'ai pas mentionné Ibn Kathir, mais si on amène Ibn Kathir. Ibn Qayyim, mais si tu amènes Ibn Kathir, le verset, le volume 2, le volume 2, on va voir l'explication qu'il donne pour dans le surat Al-A'raf, le verset 54, je crois que c'est celui-là, et on voit que l'imam Ibn Kathir, ce qu'il dit là-dedans, c'est la position des salaf. Ok, également. Ok, les gens de Bid'a, ils se basent pas, premièrement, les gens de Bid'a, ils se basent sur leur logique, et sur la logique et la raison, la logique. Ce qu'ils prétendent être la logique, alors qu'en réalité, ce n'est pas de la logique. C'est des choubouhats en fait. Les gens de Bid'a qui ont commencé à nier les attributs d'Allah, ils ont été catégorisés, et c'est ça qu'on va mentionner maintenant, Inch'Allah. C'est qui les groupes de Bid'a qui ont divergé au sujet de l'istiwa. C'est vrai, ces gens-là ne se tiennent pas sur aucune preuve. Comment ils peuvent rejeter le Coran et la Sunna? C'est parce qu'ils viennent avec des shubuhat. Ils viennent avec des shubuhat, et on va voir quelques-unes de ces shubuhat. D'accord? Le cheikh dit, par la suite, il dit, وتأويل الاستيلاء الاستواء بالاستيلاء يقتضي المغالبة والمنازعة روى اللالكائي عن أبي سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن العرابي أتى رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. Donc on voit ici que l'imam al-Lalakai, parce que là le cheikh il mentionne le fait que ces gens-là ont déformé le sens de al-istiwa et qu'ils ont dit que ça veut dire al-istila, ça veut dire de prendre le contrôle. Et de prendre le contrôle ou de conquérir, ça implique qu'il y a eu une bataille ou un conflit entre deux personnes. Et l'imam al-Lalakai a rapporté selon Abi Sulaiman Daoud ibn Ali, il a dit nous étions avec le fils d'Ibn al-Arabi, c'est son nom, nous étions avec lui et un homme est venu. Et il lui a demandé « Ma ma'na qawlullahi azza wa jal ar-Rahmanu ala l'arshi stawa » Oui, vous avez vu tout à l'heure, on a mentionné à tard de l'imam Malik, et la personne qui est venue, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé « Kayfa stawa » Et l'imam Malik s'est fâché. Regardez dans cet exemple ici, l'homme est venu, il n'a pas demandé comment, il a demandé qu'est-ce que ça signifie. Et c'est pour ça que on voit tout de suite la différence entre le fait de demander la signification et de demander le comment. La signification, on la connaît, on la nie pas. Et il n'y a aucun ulama qui se fâche si on lui demande la signification de al-istiwa. Mais la différence, c'est le problème, c'est quand on demande le comment. Ça, c'est haram. Barakallahu fik. Non. Donc, le problème, c'est qu'on demande le comment. Et donc, le cheikh, il dit, que, ma'ana, donc, c'est quoi la signification de Ar-Rahman ala al-Arshistawa? Qala huwa ala arshihi kama akhbara. C'est-à-dire, la réponse de l'imam Ibn al-Arabi, c'était de dire, il est au-dessus de son trône, tel qu'il l'a dit lui-même. C'est ça la signification. Hein? Alors, il a dit, فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه استولى فقال أسكت ما أنت وهذا لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى donc c'est ça que l'imam lui a répondu. Il a dit يا أبا عبد الله, c'est pas ça que ça veut dire, ça veut pas dire que Allah est au-dessus de son trône, hein? Ça veut dire qu'il a conquéri, il a pris le pouvoir. Alors l'imam, il lui a répondu, il lui a dit « tais-toi ». Ça, ça n'a rien à voir. Il a dit « on ne dit pas que quelqu'un a conquéri une chose, excepté s'il a un opposant, et qu'il y a eu un combat ou une dispute entre les deux, et qu'un a pris le pouvoir sur l'autre. Là, on dit « istawla ». Mais sinon, on ne dit pas ça. Et là, il a mentionné, il a dit « ama sami'ta qawla nabira ». أنا لمثلك أو من أنت سابقة أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد. Donc ça c'est un autre vers qui est mentionné. Après il dit فهذا من كبار أئمة أهل اللغة يذكر أن الاستيلاء لا يذكر إلا في مجال المغالبة والمنازعة والله لا منازع له. Donc ça c'est un des grands imams de la langue qui mentionne que al-istila, on le mentionne uniquement lorsqu'il y a une compétition ou un débat ou une bataille, disons, ou un conflit entre deux personnes. Et Allah, il n'y a personne qui peut s'opposer à lui. D'accord? Donc on ne peut pas utiliser l'explication ou de dire al-istila à son sujet. Non. D'accord. Donc il y a d'autres exemples aussi, mais ça, je crois que ça suffit pour l'explication de l'exemple linguistique. En ce qui concerne par la suite l'explication des gens qui ont dévié à ce sujet-là, Cheikh Ibn Mazah Ibn Nas Filistiwa, قد نزع وقع نزاع والخلاف في معنى الاستواء الوارد في نصوص الوحيين المضاف إلى الله. ويمكن إجمال ذلك في ثلاث مذاهب مثله مثل بقية الصفات. الأول Donc le cheikh dit qu'il y a eu des disputes et des désaccords au sujet de l'istiwa qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Et donc on peut résumer ça en trois positions. Et comme on peut le dire au sujet des autres attributs également. La première, al-awwal madhhab al-mushabbiha al-mujassima. Wa ha'ula yasifuna Allah bi-istiwa'in ka-istiwa'i al-makhluq wa yaz'umuna anna al-'arsh qad hawahu wa anna al-khalq qad mala'ahu wa annahu mumasun lahu. Wa ila hadha al-qawl dhahaba Hisham ibn al-Hakam wa ba'du ashabi. Donc le cheikh dit la première position, c'est la position des mushabbiha et des mujassima, c'est-à-dire ceux qui prétendent que Allah est comme sa création et ils imaginent que Allah est sur le trône et qu'il touche au trône, etc. Et le cheikh il dit ça, c'est la position de Hisham ibn al-Hakam qui était un parmi les Shia. Et donc les Shia ils font le tashbih, parmi eux il y en a beaucoup qui font le tashbih, sinon les autres sont des mu'tazila. En général ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce qui concerne les noms et les attributs, les Shia sont sur la voie des mu'tazila, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit, وَمَذْهَبُ الْمُعَطِّلَةِ أَنُّفَاهِ مِنَ الْجَهْمِيَةِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمْ وَيَذْهَبُوا هَؤُلَاءَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اسْتِوَاءٌ حَقِيقِي أَصْلًا وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَيُنْفُونَ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ اللَّهَ فَوْقَ السَّمَوَاتِ مُسْتَوٍ عَلَى الْعَرْشِ. Donc ça c'est la deuxième position, c'est la position des mu'attila al-nufat, c'est-à-dire ceux qui nient cet attribut-là pour Allah, comme al-jahmiya et ceux qui les ont suivis là-dedans. C'est-à-dire ceux qui ont suivi les jahmiya, c'est qui? C'est les mu'tazila et les asha'ira et les maturidiya. Okay, et les asha'ira et les maturidiya sont très répandus actuellement dans le monde musulman. Et donc eux ils ont suivi les jahmiya, les premiers qui ont nié cet attribut-là par prétexte de ne pas vouloir faire le tashbih ou en prétendant que si on affirme ça, ça fait une ressemblance entre Allah et sa créature, c'était les jahmiya qui ont nié ça les premiers. Ensuite il y a eu les mu'tazila qui sont venus et puis par la suite il y a les asha'ira et les maturidiya. Même s'ils sont tous à des degrés différents de déviation, hein, comme par exemple les jahmiya ils nient les noms et les attributs en entier. Ils n'affirment pour Allah que l'existence, c'est-à-dire il existe, c'est tout, rien d'autre. Ensuite il y a al-mu'tazila, et eux les mu'tazila, ils ont dit, on affirme les noms, mais on nie leur signification, et on nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils affirment des noms sans aucune signification, et ils nient les attributs en entier. Et sont arrivés par la suite les asha'ira, qui ont essayé de réfuter les Mu'tazila et les Jahmiya, mais malheureusement, ils ont réussi d'une partie, mais ils n'ont pas réussi dans tous les attributs, et c'est pour ça qu'ils ont nié une partie des attributs, et ils ont affirmé une autre partie. Et les ulama d'Ahl Sunnah wal-Jama'a ont réfuté les trois groupes, hein, les Maturidiyah aussi. Ils ont réfuté les Jahmiya en premier, parce que les Jahmiya sont arrivés en premier, et ils ont ensuite réfuté les Mu'tazila, hein, parce que les Mu'tazila sont apparus par la suite, et quand les Asha'ira sont arrivés, hein, et ben ils les ont réfutés eux aussi. Et donc le cheikh il dit que cette position-là des négateurs, ceux qui nient cet attribut-là, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'il n'y a pas d'istiwa réel et que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être attribué, on ne peut pas lui attribuer cet attribut-là. Et donc ils disent que Allah n'est pas au-dessus de son trône et il n'est pas au-dessus de sa création. Ensuite, il y a la troisième position qui est la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Le Cheikh il dit, قول أهل السنة وسلف هذه الأمة أن الله مستوى على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه بائن من خلقه لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق بل هو سبحانه مستغن عن العرش وحملته وهو حامل لهما بقدرته وقوته يثبتون هذه الصفة له على حد قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Donc le cheikh il dit que la parole de Ahl Sunnah ou la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là est la position des salaf de cette umma, c'est c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône d'une façon qui est réelle, hein, et c'est d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté, hein, et à sa puissance. Et il est séparé de sa création, il n'est pas avec sa création. Et il ne ressemble pas, la façon dont il est au-dessus de son trône ne ressemble pas à la manière dont les créatures sont l'une par-dessus les autres, c'est pas comparable, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du trône, et il n'a pas besoin des anges qui le supportent, le trône, et il n'a pas non plus besoin de rien du tout dans l'univers, et en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tient et qui supporte le trône et les anges et tout ce qui est dans l'univers par sa force et par son pouvoir. Et Ahl-Sunna, ils attribuent et ils affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut-là, comme l'imam Malik a dit que Al-Istiwa c'est connu dans la langue arabe, hein, il a dit que c'est ma'loum, et il a dit que le kayf il est majhoul, ou bien ghair ma'koul, hein, il a dit qu'il n'est pas connu, ou on ne peut pas le comprendre, et il a dit que d'y croire c'est obligatoire, et de demander la question à ce sujet-là, c'est-à-dire au commun, et l'attribut d'Allah, ça c'est bid'a. وهذه مجمل المذاهب أو مذاهب الناس في هذه الصفة. الشيخ عسيت الذي يمنصن لشبهات الأشاعرة السجلة الذي بعضهم ذهب جمهور الأشاعرة والمتأخرون منهم إلى نفي هذه الصفة مشاركين بذلك نفاة الجهمية واختلفوا في تأويلها على أقوال. Donc on sait que la position des Asha'ira, eux, quand ils entendent des attributs qui parlent des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, des actions qui sont reliées à sa volonté, ils utilisent deux méthodes. Hein, comme l'auteur de Jawharatul Tawhid, Al-Bajuri, il dit dans son poème sur l'Aqida Asha'ariya, il dit « وكل نص أوهم تشبيها فأوله ففوضه فأوله أو فوض ورم تنفيها. فسي كسيل ديدا جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد في العقيدة كي تنسيني الأزهر اي دالا بيبا دي دينيفرسيتي او انسيني العقيدة الأشعارية. اي دونك il dit si il y a un texte soit dans le Coran ou dans la Sunna qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création, alors أوله, ça veut dire déforme son sens, أو فوض, ou bien ni que tu connais sa signification, warum tanziha. Donc ils utilisent deux méthodes, at-ta'wil et at-tafwid. At-ta'wil, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déformer le sens réel de ce mot-là. Hein? Alors qu'on sait que le ta'wil, dans la langue arabe, la vraie signification du ta'wil, c'est le tafsir, c'est-à-dire l'explication, l'interprétation. Mais dans leur utilisation à eux, la réalité de ce mot-là, ça ne veut pas dire l'explication, ça veut dire la déformation totale de la signification du mot, pour lui donner un autre mot qui n'a aucune référence, aucune preuve. Et at-tafwid, c'est autre chose, c'est une autre méthode qu'ils utilisent, et ils jouent entre ces deux méthodes-là. Hein? At-tafwid, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu remets quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, on ne connaît pas sa signification, et on le remet. Et ça, c'est une fausse signification, dans le sens que c'est pas vrai qu'il faut faire le tafwid. Et en même temps, c'est donc la même façon que on dit que le tafwid, il y en a deux significations. Il y en a une qui est vraie, c'est l'interprétation. Il y en a une qui est fausse, c'est de déformer le sens. Le tafwid, c'est la même chose chez les salafs. Ou bien si on dit il y a deux significations pour le tafwid, il y a deux formes de tafwid. Le tafwid de la signification. Comme tu dis, on connaît pas la signification de ce mot-là, ça c'est batil, ça c'est faux. Parce que c'est pas vrai, les salafs ils connaissaient la signification des attributs d'Allah, et ils les expliquaient dans leur tafsir, et ils en parlaient, et ils donnaient leur signification sans problème. Mais il y a une autre forme de tafwid, c'est le tafwid du commun, tafwid ou le kayf, ou la kayfiyya. Quand tu dis, quand on te demande la question, comment est Allah, comment est Al-Istiwa, comment est Al-Kayf, là tu dis, comment est son Istiwa ou un autre attribut, tu dis, on ne sait pas comment, on ne sait pas le comment. Donc, le tafwid du kayf, c'est obligatoire de faire le tafwid, de remettre la connaissance du comment des attributs d'Allah, c'est obligatoire. Mais le tafwid de la signification, c'est haram. On n'a pas le droit de renier la signification de ces attributs-là. Et les ulama ont refuté cette idée-là, le tafwid de la signification, de différentes façons. Et dans les paroles des salafs, on retrouve beaucoup de citations et d'exemples où ils nient le kayf. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre leurs paroles. Comme par exemple, quand ils disent « Amiruha kama ja'at bila kayf », c'est-à-dire acceptez-les tels qu'ils sont venus, sans dire comment. Et ils disent également « Tafsiruha tilawatuha », son explication c'est de le réciter tel quel. Donc, parmi les gens de Bid'ah, comme les Maturidiyah, les Asha'ira, eux, ils prétendent que ces paroles-là, des salafs, ça implique le tafwid de la signification. Et ça, c'est faux. C'est uniquement le tafwid du comment qui est affirmé chez les salafs. Et ces significations-là, elles sont venues pour montrer ou pour réfuter les Jahmiyyah. C'est des citations qui ont été mentionnées pour réfuter les paroles des Jahmiyyah. D'accord ? Donc, le cheikh, il mentionne, il dit, parmi les ta'wil des Asha'ira, on a dit qu'ils disent que c'est, par exemple, de dire que c'est al-istila, par exemple, al-qahr ou al-ghalaba ou al-qudra, d'avoir le pouvoir ou la force de conquérir, et ça, c'est la parole de qui parmi les gens de Bid'ah, c'est les paroles de Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Ibn Furak, Ibn Sa'id al-Naysaburi, أبو حامد الغزالي فخر الدين الرازي الآمدي عبد الرحمن الإيجي et ça c'est parmi les imams des Asha'ira, parmi les gens qui ont dévié à ce sujet là également et Al-Bayhaqi a dit que ça c'est la parole de la plupart parmi les gens de Al-Asha'ariya. Ensuite, en fait, cette explication-là qu'ils donnent de Al-Istiwa, quand ils disent que c'est de conquérir et tout, eh ben c'est le même exemple que les Mu'tazila. Les Mu'tazila, avant les Asha'ira, disaient ça, eux aussi. Donc, c'est-à-dire, ils ont été d'accord donc avec les Mu'tazila, d'accord, à ce sujet-là. Al-Istiwa, Al-Asha'ira, ils disent la même chose que les Mu'tazila, ils disent que ça veut dire Al-Istila. De prendre le contrôle. D'accord. Al-Tafwid également. Ils peuvent également faire le Tafwid. Par exemple, ils disent on ne connaît pas la signification dans la langue arabe. Ça a plus que 15 significations. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et c'est une manière de nier la signification du mot. D'accord. Après, le cheikh, il dit il donne d'autres exemples. Et. Yani, qu'est-ce qu'ils disent encore? Parmi les shubuhat qu'ils donnent, ils disent par exemple que si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, donc ils utilisent les termes comme ils utilisent d'habitude. Ça veut dire qu'il est, si tu dis ça, ça veut dire que tu lui donnes une limite. Si tu dis ça, ça veut dire que tu lui donnes un corps. Si tu dis ça, ça veut dire que, etc. Des shubuhat comme ça. Et les ulama, ils ont répondu à ça de différentes manières. Et le cheikh, il a mentionné quelques réponses à ce sujet-là. Donc, ils disent, أما قولهم, يلزم, إن إثبات الاستواء يلزم منه أن يكون الله متحيزا ويكون في جهة. يقال, لفظ التحيز والجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا, ولم يرد في نفيها ولا في إثباتها كتاب ولا سنة. Ok, donc c'est-à-dire, eux ils vont dire, si vous dites que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il est limité, et ça veut dire qu'il est dans une direction, et si vous affirmez ça, donc c'est quelque chose d'incorrect, c'est pas correct d'affirmer ça, parce que c'est des choses qui ont rapport avec les créatures. Et donc, on répond à ça, que at-tahayyuz wal-jiha, les mots comme limite ou direction, ça c'est des termes qui sont ambigus, qui n'ont pas une signification clair, ça peut vouloir dire quelque chose de vrai, comme ça peut vouloir dire quelque chose de faux. Et il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui les mentionne, ni pour les affirmer, et ni pour les nier. C'est-à-dire, si tu cherches dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que Allah a dit qu'il est dans une limite ou qu'il n'a pas de limite? Est-ce qu'il a dit qu'il est dans une direction ou qu'il n'est pas dans une direction? Eh ben, c'est pas mentionné le mot jihad, c'est pas mentionné le mot hayyiz non plus. Donc, on n'utilise pas, nous, ces termes-là. On dit que de les utiliser, c'est une bid'ah, comme l'imam Malik a dit. On n'a pas le droit d'utiliser ces termes-là, parce que c'est des termes qui ne sont pas rapportés dans la révélation. Et on se retourne à la signification. Le cheikh il dit « Amma qawluhum inna isbat al-istiwa yalzimu minhu an yakuna Allah jisman wal-jismu al-muallaf wa murakkabun min al-ajza يقال لهم هذه الكلمات أيضا من الكلمات المحدثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فلا بد من معرفة معنى الجسم كي يتسنى الإثبات أو النفي. Donc c'est la même chose encore avec le mot qu'ils utilisent comme par exemple le corps. Ils disent si vous dites que Allah est au-dessus de son trône, ça implique qu'il a un corps et ça veut dire qu'il est composé de différentes parties. Et donc, le cheikh, il répond, il dit, et ça fait partie des paroles qui sont innovées, ça fait partie des innovations et des bid'ahs. Ça peut vouloir dire quelque chose de vrai, le mot corps peut vouloir dire quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Et il n'y a rien dans la sunna ni dans le Coran qui l'affirme ou qui le nie. Donc, de parler d'Allah avec ces termes-là, premièrement, c'est interdit, c'est haram parce que c'est une bid'ah. Et il faut retourner à la signification dans la langue arabe, de ces mots-là, comme par exemple al-jism et al-badan, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit dans la langue arabe al-jism ou al-badan ou al-jasad. Donc al-jism c'est le corps. Ok? Et il explique, il dit وعند المتكلمين عبارة عن مؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدة أو المركب من المادة والصورة. Donc ils disent que chez les gens de Kalam, les gens de philosophie, ils disent que c'est quelque chose qui est composé de deux essences ou des choses comme ça, donc d'après leur définition à eux, dans leurs termes philosophiques. Et il dit فَإِنْ أَرَادَ بِالْجِسْمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فَلَنُسَلِّمْ لَهُ أَنَّ الْإِسْتِوَى يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللَّهَ جِسْمًا بِهَذَا وَإِنْ أَرَادَ بِالْجِسْمِ الْمَوْجُودِ الْقَائِمِ بِنَفْسِهِ الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَاتِ الْمُبَيِّنِ لخلقه المستوٍ على عرشه العالي عليهم الذي يمكن أن يشار إليه حسا وهذا هو المعنى الذي أراده أولئك قيل له إطلاق لفظ الجسم على المتصف بهذه الصفات باطل لغة وشرعا فأهل اللغة لا يسمون المتصف بذلك جسما بل الجسم عندهم كما سبق هو البدن والروح فالروح والهوى ونحوها توصف ببعض الصفات ومع ذلك لا يقال أنها جسم وهذا من ناحية اللغة أما من ناحية الشرع فإطلاق أن الله جسم أو أنه ليس بجسم لفظ مبتدع لم ينقل من كتاب ولا عن سنة بل ولا أثر عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة عموما. Donc il a expliqué que il faut voir si vous voulez dire par le corps que vous parlez de Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il est au-dessus de son trône et non il dit oui, on n'est pas d'accord avec vous que d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, ça implique qu'il ait un corps. On n'est pas d'accord avec vous et on n'accepte pas cette logique-là. Pourquoi? Le cheikh dit, et si on veut dire par le corps, qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qui se tient par lui-même, qui existe par lui-même, et qui est décrit par des attributs, et qui est séparé de sa création, et qui est au-dessus de son trône, et qui est élevé au-dessus d'eux? Et qu'on peut, indiquer sa direction, Yannine, réellement, en le montrant, par exemple, avec notre doigt, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de Hajjatul Wada', il disait, Atafal Adam, ok, j'ai presque fini, ok, il montrait avec son doigt vers le ciel, il dit, يعني اللهم فاشهد البلاد اللهم فاشهد ils montraient vers le ciel. Donc c'est-à-dire si on veut dire ça, si on veut dire, si on veut, si on pense que le fait d'établir un djism, on veut dire ces choses-là, alors dans ce sens-là c'est vrai parce que c'est affirmé par la révélation. C'est affirmé qu'Allah, il est au-dessus de son trône et qu'il est, qu'il existe et qu'il est séparé de sa création et qu'on peut montrer où il est, c'est-à-dire vers le haut, etc. Et donc, la direction, la même chose, on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fauq, wa huwa al-qahiru fauqa ibadih, hein. Et il y a beaucoup de versets qui prouvent ça. Donc, de dire ça à propos d'Allah, il n'y a rien de faux là-dessus. Toutefois, si quelqu'un pense que, ça veut dire un corps qui est composé de différentes parties, mais ça c'est une signification que c'est pas ça que, on n'a pas du tout voulu dire ça quand on a utilisé, l'attribut d'Allah al-Istiwa. Et donc, ça n'a rien à voir avec ça. Et même d'utiliser le mot jism, c'est une bid'ah, parce que ça n'a pas été ni rapporté dans le Coran, ni rapporté dans la Sunna, ni par les Sahaba, et ni par aucun d'autre parmi les Salaf. Donc, ça c'est les choubouhats qu'ils utilisent pour essayer de confondre et de tromper les gens. Donc, il faut pas s'y attarder. Et puis, nous, alhamdoulilah, on se tient avec ce que Allah nous a révélé, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans la Sunna. Et qu'est-ce qu'ils amènent de choubouhats ou de philosophie ou d'idéologie qui sont contraires à ce qui est affirmé dans la Sunna et dans le Coran, eh bien, on le rejette, bien dit, parce que c'est des façons d'éloigner les musulmans de la foi en ce qui est révélé. Donc, on va s'arrêter ici, le frère va faire l'azam, et puis on continuera la semaine prochaine à l'expliquer qu'est-ce qu'on a commencé aujourd'hui, et on continuera avec d'autres détails, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.